Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode des Projets du Web numéro 12. Comment ça va, Lucas? Ben, ça va et toi? Très très bien. On a fini l'année, on est en vacances. Toi, ça s'est bien Ouais, passé? enfin. Ouais, moi ça fait un mois de plus que toi que je suis en vacances. Ah ouais, mais non, mais ça c'est pas normal, ça. Un petit sommaire, si tu veux bien. Ok, alors d'abord en actu et tips, on va vous parler de HPE Print, du nouvel algorithme de recherche de Google appelé Caféine, et deux petits comptes Twitter qui donnent des petites astuces. Un truc qui tient à cœur pour commencer? Alors c'est une petite info qu'on a trouvée sur le journal du Geek et qui présente un petit peu donc voilà donc le nouveau. Alors c'est pas un service au niveau de Google Caféine, c'est donc comme l'a dit Lucas, c'est un nouveau algorithme qu'ils ont mis en place. Et en fait ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de prendre tout le web, de le mettre dans plus ou moins une base de données, et de la diviser ensuite en plein de petits. De la fragmenter en plein de petits morceaux, et de les analyser en fait tous au fur et à mesure. Et en fait, l'intérêt qu'il va avoir de tout ça va être d'avoir des informations qui vont être en fait beaucoup plus actuelles, beaucoup plus fraîches entre guillemets. Et c'est vrai que Ouais, moi, c'est le les... problème que j'avais avant, comme on en parlait un petit peu avant, c'est que moi, quand je cherchais des informations, souvent elles étaient d'il y a 4-5 ans et plus toujours au goût du jour, quoi. Ouais, en fait, ça permet de mettre les résultats les plus récents en haut de la pile. Donc Voilà, tout comme simplement. ça, les premiers résultats sont des résultats récents, parce que faut voir quand même sur le web, il y a tout qui évolue assez vite. Quand avoir des résultats vieux de 3-4 ans, c'est souvent des résultats faux, quoi. Surtout, oui, quand on cherche des problèmes par rapport à son PC ou à Windows, comme ça, les choses évoluent pas mal. Et donc, c'est vrai que moi, je tombais souvent sur des informations un peu erronées. Alors, j'étais obligé d'utiliser les options de recherche, genre d'ici, enfin, moins d'un an ou des choses comme ça. Donc là, on aura un peu moins besoin de ces options-là. Donc, ça, c'est. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Qu'ils continuent en fait à innover, même si. Alors, je pense quand même qu'en France, ils sont leaders. J'ai pas vérifié, mais normalement, ils sont largement devant Bing pour l'instant. Ah Et bah oui. c'est agréable de voir que même s'ils devancent les autres, ils continuent à essayer comme d'améliorer leur service de recherche. Ouais, ils se reposent pas sur leur laurier Et comparé voilà. à d'autres, quoi. Ça c'est un point que je trouve super important. Donc tu veux parler de HP ePrint? Ouais, bah allez. Donc en fait, HP Imprint, un peu, c'est dans le style de Google Cloud Print. Donc ça permet de. C'est HP qui a présenté ça pour que leurs imprimantes aient une adresse mail. Et quand on envoie un mail, justement, à cette adresse, automatiquement, l'imprimante va reconnaître et va imprimer ce qu'il faut imprimer. Imprimer le corps du message, les fichiers joints, quoi. Et en fait, donc ils ont déjà présenté une fonction BlackBerry. Donc pour fonctionner avec les BlackBerry, c'était annoncé lors du WES. C'est l'équivalent des keynotes Apple, mais pour BlackBerry, en fait, ils présentent toutes les nouveautés. D'accord. Et c'est vrai qu'on en parlait aussi tout à l'heure, et moi il y avait un truc qui m'avait un petit peu frappé, c'est que donc on envoie un email donc comment dire, à son imprimante, mais il suffit que n'importe qui puisse récupérer l'email et a priori il pourrait imprimer ce qu'il veut, quoi. C'est ça que moi qui m'inquiétait, c'est imaginons Moi quelqu'un aussi, voit ouais. le carnet d'adresse, il voit l'email, il dit oh tiens je vais m'amuser un petit peu, puis il lui envoie des emails et l'imprimante va imprimer tout ce qui passe, quoi. C'est Puis même les boîtes de spam qui envoient un peu des mails aléatoirement, il y a intérêt d'avoir un bon filtre à spam quoi sur l'imprimante directement, parce que sinon c'est le même filtre à spam que Windows Live Messenger, on se retrouve avec beaucoup de mails imprimés pour rien. Donc ouais, je me demande comment ils vont faire un petit peu pour sécuriser tout ça. Peut-être que ça se Ouais. trouve, ils vont devoir mettre, tu sais, tu vas devoir mettre un petit code à chaque fois ou un Ouais, code qui est généré un peu comme. Ah, je sais pas si tu connais ça, si les gens connaissent sur les comptes battle.net de Blizzard, on peut avoir un authentificateur, c'est-à-dire qu'il va générer des codes un peu comme des clés de CD pour les jeux et qu'on met en plus de son mot de passe. Donc là, ça peut peut-être une solution pour. Mais je pense qu'ils vont devoir faire une protection parce que il va vite y façon, avoir des ça va mal plaintes. tourner. Ouais. Mais Mais sinon, c'est c'est vrai que bizarre, là. c'est. Depuis, il n'y a pas eu de nouvelles, donc je sais pas où c'en est. Après, c'est qu'on va pas refaire le débat sur tout ce qui était, tu sais, driver et compatibilité, puisque finalement, ça revient à la même chose que sur le Google Print. Ouais. Mais Bah c'est c'est vrai que c'est pas mal. je pense et j'espère que ça marchera avec, hein, parce que c'est exactement le même principe quoi finalement. Sauf que là, oui, c'est vrai que c'est plus sur la. Enfin, c'est la marque qui joue directement sur ses imprimantes, donc c'est un peu plus fermé dans cet esprit-là, tu sais. Parce que ça va forcément concerner que HP, à moins qu'ils font des partenariats avec d'autres imprimantes. Donc voilà pour HP Print. Ouais, je vais vous présenter les deux petits comptes Twitter là qui permettent d'avoir un peu des données en plus. Ouais. Donc là, d'abord, il y a @listwatcher. Donc c'est L majuscule IST W majuscule ATCHER. Donc en fait, il permet de recevoir un DM, donc un direct message, dès que quelqu'un vous ajoute à une liste. Donc comme ça, pas besoin de regarder de temps en temps l'interface web ou quoi, on est tout de suite, enfin tout de suite, dans un court laps de temps, on est vite prévenu. Et il y a aussi @unfollow, unfollow R, UNFOLLOWR, qui lui nous envoie un DM quand quelqu'un nous unfollow. Bon, par contre, faut savoir, celui-là, je l'ai testé. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il les envoie pas tout de suite. Dès que quelqu'un nous unfollow, c'est une fois de temps en temps, ça envoie. Je sais pas exactement c'est quoi le rythme. Et une fois qu'on suit ses comptes, on pourrait croire, comme Fils croyait tout à l'heure, on pouvait avoir des problèmes de spam, s'il racontait n'importe quoi, c'est un peu chiant de les suivre. Mais il n'y a aucun problème, là, unfollower, il a tweeté, je crois, 2 fois en un mois. Donc c'est vraiment pas gênant du tout. Et puis ça permet d'avoir des petites statistiques en plus, donc c'est sympa. D'accord. Ouais, moi je sais que ça me plaît beaucoup et je suis un peu réticent à les suivre, donc je vais essayer ça bah, cette semaine, je Vas-y, tu pense. peux, hein. Tu Et peux, tu peux. par contre, pour te répondre sur le unfollow R, tu sais, qui n'envoie pas instantanément, je pense que c'est parce qu'il est peut-être un peu bridé. Parce que tu sais, il y a des limites. Par exemple, quand tu es tout débutant, tu dois avoir 250 DM par jour. Et il faut acquérir beaucoup de followers pour pouvoir ensuite bah, augmenter ce nombre-là. Donc peut-être qu'il n'a pas Ah ouais, encore d'accord. assez, tu sais, et qu'il est un peu bridé, parce que voilà, il y a... Ah, je connaissais pas cette limitation. J'avais vu sur, bah, sur Twitter justement quelqu'un qui avait linké ça, je pourrais pas te le retrouver par contre. Et il y avait vraiment toutes les limites de Twitter, donc la plus courante c'est le nombre de caractères qu'on connaît tous, mais il y avait aussi le nombre de DM par jour, etc. etc. et il y a plein Bah, de... je sais qu'il y a une limite aussi sur le nombre d'ajouts de follow par jour que tu peux ajouter. Ouais. Il y a plein de petites limites comme ça qu'on se rend pas compte, parce que dans une utilisation normale, Ouais, on on n'est va pas pas dans censé être ces limites. limité, justement, c'est pour éviter le Les spam et abus, autres. voilà, les spams et les abus, ouais. Et donc après ces petites news et tips, on va partir sur donc les projets un peu plus conventionnels. Donc avec co.mantes, je t'en prie Lucas. .com. Comme. Ouais, co.mantes.com, donc co.mmentes.com. Donc en fait, co.mantes.com, ça permet de suivre tous les commentaires sur les différents blogs et sites. Donc une fois qu'on est inscrit sur ce site, en fait, tout simplement, on récupère les URL des pages où on poste un commentaire, par exemple, même sans poster. On copie-colle l'URL directement dans l'interface du site, co.mantes. On rafraîchit, on peut savoir combien de nouveaux commentaires ont été postés depuis la dernière fois, etc. Donc ça permet, en fait, quand on est éparpillé sur beaucoup de sites, qu'on ne se rappelle pas trop tous les sites, permet de garder un œil sur les conversations qu'on a attaquées sur plusieurs blogs. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai cherché. C'était une demande de Sledge, que je sais qui nous écoute. Donc j'avais trouvé ça, je lui ai envoyé. Je sais pas ce qu'il en a pensé. Mais en fait, c'est moi j'ai bien aimé, c'est pratique. Bon, je commente pas énormément, donc j'en ai pas trop l'utilité. Et il y a une autre option dedans qui est pas mal, c'est qu'il nous propose un petit lien JavaScript qu'on met en favori. Et quand on est sur une page web où on commente, il suffit de cliquer sur ce favori et cette page s'ajoute dans nos suivis. Ouais, c'est vraiment super pratique ça, parce que moi je vois, ça m'est arrivé de poser des petits commentaires, et puis bah après, c'était sur un site que j'avais vu sur Twitter par exemple, sur Facebook, n'importe où, et après, bah, je m'en souviens plus tout simplement. Et donc là, c'est vrai que c'est pas mal bah, d'avoir ça, un petit suivi sur tous ces sites, et ça peut servir par exemple pour les projets du web. Si vous laissez un commentaire et que vous repassez puis après, vous avez oublié, et bien hop, vous pouvez savoir un petit peu si des gens ont répondu tout simplement, et voilà. Donc ça, c'est super, super intéressant comme service. Moi, j'apprécie beaucoup. Le seul défaut, je pense, c'est qu'il a pas, j'ai pas trouvé l'alerte mail qui nous prévienne et qui se rafraîchisse automatiquement et qui nous prévienne des nouveaux commentaires. Oui, tu es obligé de visiter le site. D'accord. Mais au moins, l'avantage, par contre, l'avantage par rapport. Enfin, je pense que c'est mieux de s'inscrire à ce site que s'inscrire à chaque. Parce que je sais que sur beaucoup de sites, on peut recevoir une alerte mail à chaque fois qu'il y a un nouveau commentaire ou quoi. Et ça, au bout d'un moment, si on va justement sur beaucoup de sites, on va recevoir beaucoup de mails, alors que là, c'est tout centralisé sur un seul site. Ça aussi, c'est un autre point sympa, Et je puis pense. c'est un petit peu vicieux parce que sur un billet par exemple qui peut être assez populaire, si tu reçois un mail, tu sais, à chaque fois qu'il y a une réponse, s'il y a une centaine de messages, tu vas en avoir très vite marre et tu vas le désactiver. Donc c'est vrai que c'est Ouais. un petit peu plus compliqué l'alerte Exactement. mail natif, disons, natif des sites. Donc voilà, juste pour citer dans le même esprit, il y a CoComment.com qui fait Welcome. un service équivalent. Donc voilà, donc si vous n'aimez pas l'un, vous pouvez essayer de voir l'autre un petit peu pour comparer un petit peu ce que vous préférez. Donc l'objectif est grosso modo le même, hein. C'est vraiment pouvoir avoir un suivi des commentaires et de partout où vous passez sur Internet et que vous laissez une trace. Je vais vous présenter donc RoRH3O. Donc les créateurs de ce site-là, ils ont eu comme objectif donc de recenser un petit peu les boutiques en ligne, mais avec la particularité qu'ils étaient un petit peu original, décalé. Donc le site est assez simple. Donc on voit vraiment toute sa liste des sites à droite. On voit le principe des 5 étoiles un petit peu. On a une fonction recherche et des tags. Donc voilà, c'est très très simpliste. Et ça permet voilà de trouver des sites un petit peu décalés qui sont assez amusants. Donc il y a des tags par exemple qui vont vraiment de chaussons, alcool, on est vraiment de tout. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est collaboratif. Donc c'est aussi à nous de proposer. Et ensuite de mettre des notes, de commenter un petit peu. Et chacun va le faire. Et voilà, donc c'est un bon moyen de découvrir des sites intéressants qu'on remarque pas toujours sur Google. Et voilà, je sais pas ce que tu en penses, Lucas. Ouais, moi j'aime bien parce que je sais que souvent sur internet j'essaye de chercher par exemple des sites de t-shirts originaux et tout. Et là c'est vrai que ça recense vraiment tous les types de boutiques. Donc on trouve vraiment de tout, c'est sympa. C'est l'interface vraiment épurée. Donc on Ouais. arrive, on voit tout de suite les derniers sites, on peut tout de suite voter. Il y a le principe là des 5 étoiles avec des cœurs. Franchement c'est bien foutu. Et d'ailleurs celui qui a créé ce site c'est Patrice Cassard, celui qui avait créé La Fraise. Qui a quitté maintenant. Il a aussi créé Archiduchesse. Donc voilà, c'est vraiment un mec qui s'y connaît là-dedans. Il en est à sa deuxième web et boutique. Donc c'est plutôt logique qu'il fasse ça. Et puis à chaque fois qu'il fait quelque chose, il a toujours les bonnes idées. Donc je pense qu'il y a ça de l'avenir aussi. Donc moi maintenant, je vais vous parler de socialmention.com. Donc tout attaché. Donc c'est un moteur de recherche sur une grande majorité des réseaux sociaux et des blogs. Enfin, même les forums, etc. Quand on rentre un terme, c'est un moteur de recherche, donc quand on rentre un terme, il va nous chercher dans tous ces types de sites et tout sur le net où est-ce que ce terme est apparu. Par exemple, c'est pratique pour savoir où est-ce qu'on apparaît. Donc, par exemple, j'avais testé avec mon pseudo, je me suis rendu compte que certaines de mes vidéos Dailymotion étaient utilisées sur MySpace, des trucs comme ça, et on retrouve des choses qu'on n'était pas au courant. D'ailleurs, j'ai trouvé que j'avais gagné même un cadeau chez Niptech, sans que je le sache. Oui, Niptech Podcast, super podcast par Mike et Ben, que si vous ne connaissez pas encore, bah allez-y, courez sur niptechpodcast.com et écoutez-les. Ouais, c'est sympa pour garder un œil sur justement où est-ce qu'on apparaît. Il y a un autre site dans ce style qui permet un petit peu la même chose. Mais en ajoutant plus de fonctions, c'est alerty.com, fr.alerty.com. Lui, c'est pareil, en fait, on peut mettre des thèmes, il fait des recherches, il est plus précis dans les recherches, on peut sélectionner où est-ce qu'on cherche. Et il y a une alerte mail aussi, par exemple tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, en temps réel, qui nous dit justement où est-ce qu'on apparaît sur le web. Donc ouais, les filtres en gros, c'est savoir dans les articles, forums, microblogs, vidéos, images, web. Après même là-dedans, on peut encore plus couper. Donc ces deux sites sont super sympas, je trouve, quand on veut garder un œil sur justement sur sa présence sur le web. C'est pas mal. Sur les réseaux sociaux, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on a tendance un petit peu à s'inscrire sur beaucoup de réseaux sociaux. Et puis bah, après, on sait plus trop sur comment on apparaît finalement sur le web. Et là, ça permet de suivre un petit peu. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'Alerty est un petit peu plus fermé. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a une bêta privée. Et sinon, après, il va y avoir donc des services payants. Donc, Alerty a l'air de se dégager légèrement de Social Motion, qui a l'air beaucoup plus. Social Mention, en fait, c'est juste un moteur de recherche et sans plus, quoi. C'est ça que je trouve dommage aussi. Il Voilà, n'y a aucune c'est assez option. basique finalement. Enfin, Je pense que ça suffit quand même pour la plupart des gens. C'est Ouais. parce qu'on n'a généralement pas besoin de prendre d'être très précis sur ses recherches. Par contre, En Alerty, je fait, le... pense qu'il va s'orienter, tu sais, pour les professionnels qui veulent vraiment Ouais, contrôler leur c'est le but, en fait. C'est le but avéré. Présence. Sur Social Mansion, en fait, le seul filtre qu'on a, c'est par exemple blog, microblog, network, bookmark, etc. Enfin, des gros types. Alors qu'avec Alerty, on peut vraiment sélectionner plusieurs de ces petits types et tout. Voilà, parce qu'Alerty va plus loin, il fait des statistiques, etc. Donc il y a vraiment tout ce côté professionnel, un petit peu plus de gestion qui permet derrière à des entreprises de voir leur impact, voir si c'est un bénéfice finalement, par exemple, de faire de la communication virale sur Twitter, sur Facebook ou autre. Donc voilà, donc ça c'est vachement bien pour les entreprises. C'est vraiment destiné aux professionnels. Bon, pour t'éviter une transition trop capillotractée, vas-y, parle-nous du test HTML5. Mais il n'y a pas, finalement pas grand-chose à vous expliquer, mais c'est une page, donc html5test.com. Il y a aussi la version Il y en bêta a même deux. qui est un peu plus Plus complète complète. et En fait, qui il y a une permet tout version complète, simplement une de version savoir simpliste. quelle note on a, quelle note a son navigateur, pardon, sur le standard HTML5. Donc actuellement sur Firefox, sur là, c'est la version 3.6.3, j'ai 139 points sur 300, donc c'est pas beaucoup. Mais Attends, la moi je vais technologie n'est pas terminer. encore développée encore au maximum. Et Chrome, si je me trompe pas, un petit peu plus. Je l'utilise pas beaucoup. Moi, mais justement, attends, je vais te dire ça sous Chromium. Et je suis à 197. Oui, 197 en effet. Et sur la version un peu plus complète, j'en suis à. Tadadam, suspense, 202. Et ce qui est bien, c'est qu'après, en fait, une fois qu'on a fait le test, dessous, il nous explique où est-ce qu'on a gagné et perdu des points, en fait. Voilà, il y a C'est tout l'aspect, intéressant. par exemple, en vidéo, on a eu 22 sur 27. On voit que, par exemple, pour les sous-titres, il n'y a pas le support des sous-titres, etc. Donc, on sait en fait exactement qu'est-ce qui n'est pas implémenté et qu'est-ce qui l'est. Et donc, ça permet de savoir Ça un petit marche peu où est-ce aussi, qu'on en est. ça marche aussi. Ça marche aussi sur les navigateurs de téléphone, parce que je sais que j'étais tombé dessus il y a un moment, et j'avais fait le test avec mon portable directement. Donc ça permet justement d'avoir des petites statistiques depuis n'importe quel navigateur. Alors par contre, je pense aussi prendre comme des pincettes, parce que déjà ce n'est pas un test ACID 3, c'est un test uniquement sur le HTML5. Et ce qu'il faut Ouais, bien mais comprendre justement, c'est aussi, le principe. c'est que par exemple, là je vois dans le cadre vidéo, donc en fait il met les différents supports des codecs. Mais par exemple, pour MPEG et H264, par exemple, sur Firefox, il ne les a pas. Mais il ne les a pas parce qu'il n'a pas envie de les implémenter ou parce qu'il est en retard. C'est juste parce qu'il ne les implémentera jamais, pardon, à cause des licences. Donc là, il Ah perd mais... des points à cause de ça. Donc il faut aussi prendre des petites pincettes quand même. Et Chrome, Ouais, c'est vu qu'il juste un... incorpore tout, parce qu'il a bon Google Pay derrière dans la version Chrome. Chromium ne l'a pas, mais la version Chrome l'a. Donc Chrome gagne des points parce que voilà, il y a ce genre de détails un petit peu partout. Donc faut Oui, mais aussi bon, le avoir un peu être. HTML5 il est pas encore tout à fait normalisé, donc c'est normal d'avoir Exactement, ça. HTML5 est C'est une juste version classique. un premier petit test pour jouer à qui a la plus grosse entre les navigateurs, quoi. Voilà, Tout c'est une simplement. technologie assez récente qui est donc voilà donc le mais je suis assez content de voir que les navigateurs connus disons enfin Firefox, Opera, Chrome ou même Safari qui utilisent WebKit donc c'est un peu le même rendu que Chrome qui bien ils supportent plutôt bien les nouvelles technologies comme l'HTML5 et donc c'est plutôt encourageant pour la suite. J'ai pas testé avec Internet Explorer, je l'ai pas sous la main là. Moi non plus. Vu que là je suis pas sous Windows, mais je Pareil. pense pas qu'il s'en tire très très bien. Je suis Pas même la pas sûr version qu'il y ait 8 en support tout cas. encore pour ça. La version 9, elle est pas mal prometteuse apparemment. Elle est même en bêta test, elle est mieux que Chrome sur des tests HTML5. Voilà, c'est tout pour la première partie de l'émission. Donc on va enchaîner sur un petit. Alors pas tout à fait un débat, une discussion sur les solutions de streaming officielles. Donc ça c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je sais pas pour toi Lucas. Qu'il en est. Ben, j'écoute pas trop de musique en streaming. Quand je suis sur internet, j'y pense pas vraiment à allumer ça. Donc c'est Tu es plus à intéressant. avoir ta Ouais, propre ma bibliothèque bibliothèque. entière sur le PC D'accord. complètement. Les différents services déjà. Donc en vrac, donc il y a des choses comme Magnatune, Jamendo, Jiwa, le service de YouTube, YouTube Disco, Deezer et Spotify. Donc voilà, donc on a pris les principaux. Et Soundit aussi, pardon, excusez-moi. Vous verrez pourquoi je l'ai un petit peu oublié, c'est parce qu'il est un petit peu spécial. Et on va essayer de développer plus sur ceux qui nous ont un petit coup de cœur, ceux qui nous ont vraiment percuté le plus. C'est-à-dire qu'on a éliminé Deezer et Jiwa. Jiwa pourquoi? Parce qu'on est venu vraiment, Lucas et moi, parce que vraiment l'interface est vraiment, je trouve, pas agréable. Les pubs sont pas trop. Carrément crade. Moi je le Voilà. dis, carrément crade. Vulgairement, c'est crade, ouais. C'est pas pratique. C'est pas un service. Il a beaucoup changé. J'avais connu les premières versions qui étaient tout à fait normales, enfin, qui ressemblaient un petit peu à Deezer dans l'esprit, les anciennes versions de Deezer. Et ça a beaucoup trop changé. Maintenant, c'est vraiment pas agréable d'utiliser. Et il y a des services équivalents qu'on va vous présenter qui sont mieux. Et Deezer, moi, je vais essayer de l'abandonner un petit peu parce qu'il est un peu trop contraignant et il a rien à lui. C'est-à-dire qu'il n'innove pas comparé aux autres. Et il ne fait que s'aligner finalement sur les services concurrents. Donc voilà. Donc c'est des vieux Alors qu'il services. était, c'est... Alors que c'est pourtant, ça fait un moment qu'il est là, lui. Voilà. C'est un des premiers, mais il a pas su innover. C'est un petit peu comme je dirais MySpace. Tu vois ce que je veux dire? Ils n'ont pas réussi à. Donc on va se concentrer sur les autres. Et je l'ai divisé finalement en deux catégories. La catégorie donc de streaming classique et l'autre qui sera plus indie, donc indépendant, sous licence libre, donc des choses un peu plus ouvertes. Donc je vais commencer avec le service le plus connu, donc Spotify. Donc là, Spotify, j'en avais déjà parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est un service qui est assez global. C'est-à-dire qu'on l'a sur son mobile, Android, BlackBerry, iPhone. On peut le Ou sur synchroniser. son ordi. Voilà. On peut le synchroniser du coup avec son ordinateur. Alors, le détail, c'est qu'il faut avoir un client. Mais il est très léger, on sent Voilà, pas du tout. c'est de la musique en streaming depuis un client lourd. Donc c'est l'interface rapproche un peu d'iTunes, je trouve. C'est bien, En plus, ça nous perd pas. Ce que j'aime, c'est que c'est pas dépendant du browser. Ça, je trouve c'est un vrai plus déjà. Donc si je je devais vois. mettre ta musique en streaming, c'est vraiment lui que je prendrais quoi, de base. Je dirais pour une utilisation très avec parcimonie, mais vraiment, tu sais, deux trois titres comme ça, peut-être une autre solution plus sur le navigateur. Mais par contre, quand on aime bien écouter beaucoup de musique et que par exemple, si on prend l'offre, là le client est vraiment génial parce qu'on a vraiment toutes ces playlists. C'est vraiment iTunes, mais en vraiment beaucoup plus simple, beaucoup plus joli et extrêmement léger. Parce que qu'on soit bien Puis oui, clair, mais iTunes est. c'est le iTunes, mais c'est que pour la musique, déjà. C'est juste pour la musique, il n'y a pas la vidéo, il n'y a pas les podcasts, donc Oui, mais enfin, tu sais, une vidéo ou un podcast, c'est pas ça qui alourdit les choses. iTunes, c'est vraiment ça. Non, Dans le mais jargon, c'est un mot. l'interface, ça alourdit pas l'interface, au moins déjà. Parce que là, il est vraiment très simple et ils ont commencé à rajouter des options un petit peu de communauté. Donc, en rajoutant Facebook, donc on peut partager par exemple, une playlist sur par exemple, moi je cite toujours cet artiste-là, mais Deftones ou Nine Inch Nails ou des choses comme ça. Eh bien, on peut la rendre collaborative, c'est-à-dire que et ensuite, par exemple, tu peux la. Donc, j'envoie le lien tout simplement et tu vas pouvoir la modifier, la rajouter des titres dedans, par exemple. Donc, ça, c'est des choses Ouais, qui sont super intéressantes. c'est pas ouais. Donc, on peut offline, donc on peut écouter sa musique sans utiliser sa bande passante. On télécharge une fois et c'est fini. On l'a Donc sur ça, son pour avoir mobile. la version pour le offline, il faut passer à la version Alors, payante oui. à 10 € par mois. Voilà, pour avoir toutes ces petites options en plus, on passe sur les tarifs payants. Donc, voilà, je pense que je vais arrêter là pour Spotify puisque. Ça peut être faire redondance si vous avez écouté les épisodes précédents. Et juste avant de partir sur un nouveau sujet, c'est un nouveau service, pardon. Il faut voir que Spotify, j'ai eu une news très récemment. Spotify, alors c'était surtout au niveau de la Suède, rapporte beaucoup plus d'argent qu'iTunes. Rapporte plus d'argent non seulement aux majors, mais aux artistes, enfin vraiment à tout le monde. Donc Spotify, donc le streaming légal, a vraiment un avenir. Du moins. Bon, streaming légal, pour moi, ça reste quand même l'équivalent de la radio. C'est un peu le même principe de la radio. On paye une fois et on écoute un peu tout ce qu'on veut et après, il se débrouille avec l'argent qu'il récupère pour redistribuer aux artistes plutôt qu'acheter album par album. Je pense que la comparaison est plutôt pas mal en effet, parce que on a vraiment, c'est un peu comme tu sais la VOD pour les films, etc. Sauf que là c'est pour de l'audio et puis entre-temps on a de la pub, donc c'est un peu une station de radio personnalisée. Voilà. Ensuite, je vous présente un petit peu YouTube Disco. Donc, je vous en avais parlé il y a assez longtemps. Dans l'épisode où tu étais tout seul, le seul. Voilà, celui-là. Et ça va être assez rapide puisque c'est tout simplement donc youtube.com/disco. Vous mettez un nom d'artiste que vous aimez bien et voilà, il vous charge toutes les musiques qui sont. Et il vous crée une playlist un peu personnalisée. Vous pouvez ensuite éditer les playlists. Vous avez un tout petit player vidéo en haut. Et voilà, c'est. Et vu le contenu qu'il y a sur YouTube en termes de musique, bah c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je te laisse présenter Soundzit. Donc pour rester sur YouTube, on a Soundzit qui en fait ça récupère juste la bande son des vidéos de YouTube. Donc en fait, quand on est dessus, on peut faire une recherche d'un artiste. Il va nous sortir exactement les mêmes résultats que sous YouTube, sauf qu'on n'aura pas la vidéo, on n'aura que le son. Donc c'est pratique pour tous les clips qui sont uploadés juste avec une photo où on s'en fout du clip. Ça nous permet d'écouter de la musique assez rapidement. Le site est vraiment léger. La pub, il n'y a pratiquement pas de pub. Enfin, y a un bandeau de pub et un carré juste au-dessus. Mais pas pendant les musiques. C'est pas gênant. Non. Ah oui, non, c'est juste de la pub visuelle. Non, sinon, après, la musique, c'est exactement comme si on était sur YouTube, sauf qu'on n'a que le son. Et c'est franchement sympa. Et pour l'instant, il n'y a pas l'option des playlists, mais elle va être ajoutée. Ça a été affiché comme quoi ils allaient le mettre prochainement. Et si vous trouvez une musique sympa, vous avez la possibilité directement d'avoir les liens sur iTunes et sur Amazon, si vous préférez l'un ou l'autre. Mais moi, j'ai été servi par le service, quoi. On avait vraiment cette possibilité d'enlever la vidéo, parce que finalement, la vidéo, moi, ou les clips, je suis pas souvent fan. Et ce que j'aime bien, c'est vraiment... je prends des artistes et puis voilà, j'écoute la musique en boucle et la vidéo, souvent, vu que j'ai une connexion pas terrible en ce moment, ça me permettait d'enlever un petit peu de bande passante et n'avoir que l'audio, que ce qui m'intéressait finalement. Les problèmes de bande passante, je connais bien. Ceux qui ont un blog, ça peut être intéressant, ou un site tout simplement. On peut exporter le petit player dans son site et faire jouer de la musique. Et vu que la musique est hébergée sur YouTube, il n'y aura aucun problème de licence ou quoi que ce soit. Alors, maintenant, ça va être une catégorie un petit peu plus particulière. Ça va être les sites, comme je vous l'avais dit, sous Creative Commons, donc licence libre. Donc, on va pouvoir écouter gratuitement. Donc, il va y avoir Jamendo, et Magnatune. Alors, il y a une légère différence entre les deux, dans le sens où Magnatune, lui, va être encore un peu plus libre. On peut encore être un peu plus libre que Jamendo. C'est-à-dire que... tant que ce n'est pas commercial, on peut l'utiliser et il n'y a pas de problème, quoi. Donc, c'est-à-dire, typiquement, pour un podcast comme nous, on pourrait utiliser les musiques et les sons de Magnatune. En revanche, Jamendo, on ne peut pas. On peut écouter, mais si on veut l'utiliser dans un projet même non commercial, on doit payer une petite licence d'utilisation. Voilà, c'est le petit défaut, quoi, que je trouve. Parce que c'est vrai que pour la Creative Commons, tant qu'on reste dans un domaine, je pense, assez libre... pour les podcasts, on fait pas du tout d'argent, donc c'est vraiment dommage de faire payer une petite licence pour ça. Et ce qu'il faut bien comprendre après derrière, donc il y a vraiment des musiques de qualité, mais évidemment vous n'allez pas trouver les artistes courants. Pour prendre comme exemple sur Jiwa tout à l'heure, l'artiste Eminem par exemple, et vous ne l'aurez pas sur Jamendo ou Magnatune, parce que voilà, c'est que les artistes indépendants. Donc j'ai vraiment un coup de cœur pour Magnatune qui reverse 50% à l'artiste. Donc ça, j'ai vraiment trouvé que c'était très agréable, que finalement l'artiste, il reçoit vraiment, il négocie les contrats directement avec eux, et c'est 50% reversé aux artistes. Et ça, j'ai trouvé ça super. Tu l'as testé le site ou pas? Alors Magnatune, en fait, j'utilise tout le temps. Il y a l'application sur l'iPhone. Tu m'expliques alors un truc. Oui. Je vois sur la page d'accueil, ils me disent en gros 10 000 sons pour 15 euros par mois. En fait, c'est quoi? C'est tu payes 15 euros par mois et tu peux écouter, télécharger autant que tu veux? Alors en fait, la petite option à payer, c'est déjà pour aider un petit peu le service et les artistes. Et ensuite, l'avantage, c'est que tu peux en fait télécharger les musiques tout simplement. Quand tu arrêtes ton abonnement, les musiques, tu les gardes ou faut que tu les rendes? Alors, vu que je n'ai pas payé pour le service, je ne peux pas. Je ne sais pas exactement comment ça se passe. Est-ce que tu peux les garder ou pas? Est-ce qu'elles sont considérées un petit peu comme achetées, comme à la manière de Spotify qui permet une option d'achat derrière? Je ne sais pas du tout comment ça se passe à ce niveau-là. Mais il y a une application, donc du coup pour Android et pour iPhone, moi j'utilise celle sur l'iPhone. Bon, le multitasking n'est pas encore là, malheureusement. Mais à part ça, Bah si, ça y ça. est, tu l'as maintenant. Non, T'as eu la mise à jour, quoi. il faut que tous les développeurs réencodent toutes leurs applications pour Ah qu'elles oui, marchent avec d'accord. le multitasking. Ah, le multitâche n'est pas de base, alors sous iPhone. Non. D'accord, il faut attendre que les applications utilisent. D'accord, Mais arrêtons c'est pas de mal. troller, Lucas. C'est pas mal comme méthode de multitâche, j'aime bien. Mais voilà, donc c'est un service que moi que j'apprécie énormément. Et Ouais. surtout cette possibilité. Cette aide aux artistes, la moitié reverse aux artistes, c'est vraiment superbe. Il faut savoir que quand on a la possibilité donc de télécharger, on peut choisir un MP3 ou des WAV. Donc c'est-à-dire qu'en fait on a vraiment une qualité bonne et pas un MP3 compressé à fond comme on peut avoir sur certains services. Et au niveau de Jamendo, c'est un peu le même principe. Sauf que voilà, il y a une petite restriction en plus, c'est-à-dire que ils ont l'air un petit peu plus professionnels. C'est-à-dire, bah, on voit tout de suite Jamendo Pro. Ils sont un peu plus avec les entreprises, ou par exemple quand on veut mettre une musique chez n'importe quoi, mais dans une grande surface, ou des choses comme ça, et ben on pourra passer des contrats directement avec Jamendo. Il y a vraiment tout est préparé pour. Ils ont vraiment cette optique-là, alors que Magnatune est un peu plus, ça fait un peu plus, tu sais, indépendant. Donc voilà la différence des deux sites. Et je vous invite Jamendo, ils à. essayent de promouvoir un peu plus quand même leurs artistes, Ouais. finalement, essayant de signer des contrats. Et bah moi je vous invite à visiter ces deux sites-là parce que bah déjà c'est gratuit. Vous pouvez avoir un petit peu de pub de temps en temps, mais c'est vraiment pas gênant. Et bah voilà, c'est des choses en plus que normalement vous n'aurez pas entendu ailleurs. Donc c'est vraiment agréable de découvrir des nouvelles choses. Et donc voilà, c'est deux petits sites très très intéressants. Donc avant de continuer sur la suite du débat. J'aimerais préciser ce que je l'ai vu sur Twitter et ça, c'est pas que ça m'a énervé, mais ça m'a un petit peu gêné qu'ils le savent pas sur Twitter et notamment aussi dans un podcast, L'apéro du capitaine, pour ne pas le citer. Je crois que c'était Quacos qui le disait. C'est que par exemple, des artistes comme Deep Purple ou Metallica, ils n'étaient pas sur Spotify. Ils disaient c'est n'importe quoi, Spotify ils sont nuls, ils n'arrivent pas à les avoir. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces artistes-là, en tout cas, en fait, ils ne veulent pas du tout être sur Internet. Normalement, vous ne les verrez pas, par exemple, à CDC, vous ne les verrez pas sur iTunes, à moins dans une BO d'Iron Man ou des choses comme ça. Mais les albums, vous les verrez pas sur iTunes. Metallica, c'est pareil. Ils refusent en fait d'être en ligne. Ils veulent vendre des CD. Donc c'est normal qu'il soit pas sur Que Spotify voilà, aussi. vous ne trouverez nulle part sur le net et bah, Spotify ne va pas déroger à la règle. C'est peut-être des artistes qui ont un petit peu peur qu'ils se fassent pirater, mais faut bien comprendre que bah, ça va être l'avenir. Donc on en parlera un petit peu plus loin dans le débat, mais ça va être aussi l'avenir de peut-être de s'affranchir du CD. On en reparlera un petit peu plus tard. Toi, Lucas, après tous les petits services que j'ai pu te proposer, est-ce que tu te sens de te libérer de ta bibliothèque classique? Non, clairement pas. C'est Parce que vrai? déjà, je m'en. Non, clairement pas. Parce que déjà, le fait que, donc, par exemple, Spotify passe des contrats donc avec les maisons de disques, etc., pour diffuser de la musique, il y a certaines musiques qu'ils n'auront pas. Donc, il faudra aller chercher sur un autre site de streaming. Donc, déjà, faut s'éparpiller si on veut vraiment tout avoir. Enfin, je sais que pour l'instant, j'ai jamais trouvé de limite, mais bon, c'est Alors, jamais. je me permets de t'arrêter tout de suite. Les seuls artistes qui vont pas vraiment réussir à avoir, c'est comme je te dis, les artistes qui de toute manière ne sont nulle part ailleurs sur Internet. Tu les verras même pas Il n'y sur a iTunes, leur aucune musique. maison de disque qui a dit non, je ne veux pas. Mais non, justement, au niveau de Spotify, les Warner Bros, etc. sont très contents. J'avais vu un billet sur un site qui parlait justement, bah, le directeur qui en parlait, et il était très content Spotify parce qu'en l'espace de. Pendant le lancement, en l'espace de 1 mois, ils avaient rattrapé en fait iTunes et ils gagnaient déjà beaucoup plus d'argent avec Spotify en 1 mois que iTunes quoi. Avec les Ah abonnements, d'accord, avec les non. publicités. Et Spotify reverse régulièrement aux différents organismes. Alors pour nous c'est la SACEM en France, si je me trompe pas. Et bah, l'équivalent, moi c'est la Suède. L'article était beaucoup sur la Suède parce que c'est Deezer et Spotify viennent de là-bas. Donc ils sont très contents les majors, donc pour l'instant Spotify c'est vraiment quelque chose qu'ils ont envie de garder en tout cas. Ouais, donc après moi l'autre problème c'est ma connexion. Ma connexion, bah, j'avais déjà testé Spotify au tout début. Donc quand j'étais à ma CTU, c'était impossible d'écouter une musique entière. Et chez moi c'est pareil, j'ai pas mal de problèmes de Wi-Fi parce que maison à étage, etc. Donc le problème c'est que vu mon débit, franchement le streaming c'est vraiment une horreur pour moi. Je préfère avoir toutes mes musiques en dur ou directement quoi sur le disque dur enregistré. D'accord, mais Mais là, tu sais, c'est il y a vraiment. le mode offline, donc hors ligne, qui te permet, tu sais, la musique, elle est, par exemple, sur ton téléphone ou sur ton PC, quoi, peu importe, les deux. Une fois que tu l'as téléchargé, tu sais, bah, tu n'utilises plus ta bande passante. Elle est considérée finalement comme si tu l'avais téléchargée, quoi. Et donc, bah, du Ouais. coup, tu utilises ta bande passante une fois pour le prendre, la musique, et puis une fois que c'est fait, bah, voilà, tu es libre après. Donc tu vois, tu pars avant de partir en vacances, tout comme ça, tu charges tout. Si tu sais que tu n'auras pas internet, tu charges tout et voilà quoi. Et au pire, tu pourrais le faire en connexion 3G, selon après les forfaits qu'on a évidemment. Mais il y a cette option de offline en fait qui permet vraiment de s'affranchir de la limite de bande passante. Donc tu vois, ça pourrait t'aider. Ouais. Bon après il y a aussi une grande part d'habitude, hein. J'ai vraiment pas habitude au streaming, j'ai jamais aimé donc je m'y mets pas. Mais par contre un truc là justement quand télécharge la musique par exemple quand on les met en offline, si Oui. après l'ordinateur sur lequel on a mis ce mode offline on le reconnecte plus jamais à internet, comment il sait quand il doit nous supprimer la musique? Est-ce qu'il En y fait, a un moi compte à rebours dans les titres il nous donne pas en fait la sur le site, il nous explique pas leur fonctionnement, mais moi je pense que j'en ai un qui est assez cohérent et qui a l'air de je pense elle va être assez correct envers ça, c'est que la dernière fois que je pense que tu te connectes, bah, de toute façon, tu te connectes à ton compte, donc il regarde ton compte et il regarde là, en fait quand est-ce que se termine ton abonnement. Je pense tout qu'il fait comme simplement. ça, donc par exemple, il se termine, je sais pas, le 20 juin, et donc il va regarder ça, et donc tu vas pouvoir te connecter jusqu'au 20 juin, enfin offline, et puis après, il va te demander de te connecter tout simplement, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ouais, et après, Et dernier yo, problème, vas-y. mon PC de jeu avec lequel celui qui est le plus souvent branché sur la musique est pas du tout connecté à Internet. En fait, il est vraiment offline complet, je m'en sers pas du tout pour me connecter, je suis jamais connecté donc la musique en streaming là-dessus non plus c'est pas possible. Donc pour ça j'ai ma musique en dur, c'est plus facile, je la synchronise direct avec iTunes dans mon iPod et c'est vraiment plus facile pour moi. Bah, je sais qu'ils ont une option, hein, sinon si vraiment tu peux pas te connecter, de synchroniser en fait. Tu peux synchroniser. Donc par exemple, imaginons tu as téléchargé les musiques sur ton ordinateur et tu n'as pas envie de retélécharger une deuxième fois sur ton téléphone, hein, ça serait un peu bête. Et ben en fait tu as une possibilité de les synchroniser et soit en Wi-Fi, donc ça t'évite de mettre des câbles, ou alors en câble. Mais du coup en fait tu peux les synchroniser directement. Donc toutes les musiques qui sont sur ton téléphone Même finalement. entre deux ordis. Entre deux ordis, je peux pas te garantir ça. Mais je sais que c'est le fonctionnement normal, c'est entre un ordinateur et tu sais l'application mobile. Et Ouais, d'accord. synchroniser entre les deux. Quand tu as téléchargé sur l'un, tu peux mettre sur l'autre, etc. Donc D'accord. je pense que finalement, comme tu le disais, c'est peut-être l'habitude en fait qui bloque plus qu'autre Ouais, chose, une parce que grande part d'habitude. avec des services comme Spotify, on parle beaucoup de celui-là, mais c'est vrai que c'est le plus complet et c'est celui qui concerne les artistes connus. Donc Jamendo et Magnatune sont très bien, mais c'est vrai que C'est lui qui propose quand même le plus d'options et qui justement qui nous fait moins sentir les limites du streaming. Qui Mais innove oui, aussi, ça c'est si important. je devais me tourner vers un, ça serait vraiment Spotify quoi, aucun autre. Ça c'est vrai. Et surtout quand on voit que derrière eux, bah, c'est eux qui en fait qui redonnent le plus d'argent. Alors au major, moi je suis un peu moins sensible à eux. J'aime pas spécialement leur donner de l'argent, mais enfin. C'est eux en tout cas qui redistribuent le plus d'argent, donc ça a l'air vraiment quelque chose sur quoi on peut compter. Et derrière les majors, eux ils sont contents parce qu'ils ont de l'argent, donc du coup c'est un service où on est serein sur le fait qu'il va durer. Et il a déjà fait ses preuves et il innove, à chaque fois il rajoute des fonctionnalités en plus. Par exemple, c'est quelque chose de bête, mais sur l'iPhone ils ont rajouté l'option, quand tu es dans ton application Spotify, eh bien si de la musique tu l'as dans ton iPod, enfin dans la fonction iPod de l'iPhone, eh bien plutôt que d'aller la streamer sur internet, bah, il va l'utiliser si elles sont bien renseignées dans les tags évidemment, bah, il va utiliser celle que tu as dans l'iPod. Ouais, ça j'avais vu Tu aussi vois? pour la version Android? bureau qu'on pouvait Ah, ajouter bureau. toutes ces. Non, la version bureau carrément direct PC, qu'on pouvait ajouter toutes les musiques qu'on avait sur son PC directement dans son client Spotify. Et ça, c'est vraiment très bien parce que c'est vrai que si on a un tout petit peu de musique, quelques albums qu'on avait déjà, pourquoi les retélécharger encore? Donc là, il va directement utiliser ce qu'on a dans sa bibliothèque. Donc c'est vraiment ça, il est vraiment bien intégré. Ça marche sur Windows, Mac. Alors pour Linux, il faut l'utiliser avec le logiciel Wine, si vous connaissez. J'ai jamais réussi à le faire marcher. C'est très simple. Non, mais j'avais La fac suivi, j'ai visiteur. jamais réussi à vraiment le faire fonctionner, qu'il fonctionne fluide. Ah, non, j'ai pas de problème du tout, moi, là-dessus. Peut-être tu as essayé sur le netbook et peut-être que c'est pas terrible aussi. Ouais, ça doit être pour ça. D'accord, Mais peut-être la aussi. version, quand j'avais mon netbook sous XP, Spotify était plutôt bien passé. À part la musique qui galérait puisque j'avais une sale connexion. D'accord. Mais sous Ubuntu, non. Les musiques, c'est 10 fois plus long, une fois sur deux, elles se lancent pas. Pour D'accord. naviguer dans le client, c'est la galère. Donc là, bah, je trouve qu'on a fait un bon petit tour. Donc on a bien. Alors pour moi, donc je peux maintenant, je n'ai plus en fait de musique en bibliothèque. Maintenant, je suis complètement en streaming légal, avec pub ou sans. Ça va dépendre un petit peu des mois. Si j'ai un peu d'argent, je mets sur mon compte Spotify. Sinon, je vais sur des services comme YouTube Disco ou Soundzit qui me permettent d'écouter gratuitement. Donc on a parlé un petit peu de l'avenir finalement de ces services qui vont nous permettre de. Bah, moi, je pense qu'ils vraiment d'aller dans le cloud et d'acheter finalement de moins en moins. Et on vient à l'achat et j'aimerais savoir un petit peu toi qu'est-ce que tu as pensé bah, du dématérialisé parce que finalement maintenant on empiler des piles de CD grandes comme soi bah ça va arriver de moins en moins si on peut l'avoir sur une clé USB tu sais Malheureusement. enfin sur une clé USB sur un petit disque dur de son PC plutôt. Ouais, moi je suis complètement contre le dématérialisé, je suis vraiment pour justement le support. Je trouve ça plus agréable quoi d'avoir la boîte, le livret, le CD et tout. Et voilà, le streaming j'aime pas du tout. Le cloud ça dépend pourquoi. Mais je sais que pour tout ce qui est format culturel, j'aime pas du tout. D'accord. Et après, pareil, par exemple, tous nos appareils pour écouter la musique sont pas connectés à Internet. Je vois mon iPod, j'ai un iPod Nano, il n'est pas connecté à Internet. Je suis obligé de l'avoir de la musique directement dessus que je peux pas avoir en streaming. Donc même si j'avais un compte Spotify, il faudrait quand même que je récupère de la musique autrement à côté pour pouvoir la mettre sur mon iPod Nano. Ouais, ce qu'il faut voir au niveau du streaming, c'est que maintenant on le fait de plus en plus sur son téléphone. Maintenant, ça devient de plus en plus rare d'avoir. Par exemple, un lecteur audio à côté, son téléphone qui fait que téléphone, et Ça autre dépend chose. pour qui, hein. Ça Je sais dépend que pour certains qui, quoi. le séparent les choses, je sais que Steve42 notamment le fait, avec son iPod Ouais, Touch, mais moi je le fais aussi. c'est quand même agréable d'avoir un seul appareil et qu'il fasse tout. Enfin, Ouais, de toute ça je suis manière, complètement d'accord, mais... tu as cet appareil-là avec toi, donc pourquoi ne, s'il y a l'option dedans, pourquoi le refuser, quoi, disons. Bon, la batterie on prendra un coup, mais c'est le seul défaut, quoi. Et moi, concernant le dématérialisé, moi, alors, je pense qu'il faut bien séparer les choses. Au niveau de l'audio, qu'on soit bien clair, un CD, c'est pas très intéressant. Enfin, moi, un CD, ça me manque pas. Enfin, parce que tu sais, t'as le truc en plastique, une petite jaquette, un CD, enfin, honnêtement, tu t'en fiches Oui, et c'est j'avoue, plus en compo dans le qu'autre chose. dématérialisé, c'est vraiment la musique qui me gêne le moins. C'est vraiment ce que je suis Voilà. le plus La habitué à musique, je pense que. dématérialiser. C'est ce qui me gêne le moins, mais le reste, je pourrais pas. La musique, c'est vraiment quelque chose que c'est gênant en fait d'avoir vraiment toutes ces boîtes, etc. Non, pas gênant quand même. Si, parce qu'au final, de moins en moins, on a des livrets avec, avec les, j'allais dire les lyrics, mais les paroles. Et donc, enfin, moi, je sais que voilà, c'est on empile les choses. Alors, c'est les boîtes en plastique qu'on ouvre, on met le CD, ça dure 10 chansons, donc allez, peut-être 3 quarts d'heure. Après, il faut enlever le CD, remettre. Enfin, c'est vraiment pas agréable. Puis, on peut les La rayer, boîte, une fois etc. sur deux, on la casse. Voilà. Après, Super fragile cette ceci boîte. dit. Au niveau dématérialisé, donc on part un petit peu au-delà de la musique cette fois-ci, mais sur ce qui va être par exemple, moi je vois le cas dans les jeux vidéo ou les DVD ou les livres. Là, c'est un débat légèrement différent dans le sens où, bon, je dis pas que la musique n'est pas une œuvre, mais pour les films, tu sais, c'est une œuvre un petit peu plus particulière parce qu'une musique on écoute en boucle, après on oublie. Un film, on a toujours le petit film qui nous a chamboulé, et celui-là, on aime bien l'avoir tu sais, en super collector avec plein de trucs dedans. Mais les jeux, c'est pareil pour Exactement. les jeux magnifiques. Donc là, la boîte, on la veut. Donc c'est pour ça, je pense qu'il y a. Moi, c'est vrai que pour les jeux magnifiques, par exemple, il y aura Diablo 3 qui un jour sortira, l'année prochaine normalement. Celui-là, je vais prendre une boîte géante, collector, en or, etc. quoi. Alors que la musique, j'ai aucune pitié à l'acheter ou l'écouter en streaming, parce que c'est quelque chose qu'on consomme comme, tu sais, comme ça et n'a pas besoin On le consomme encore plus. Ouais. Ouais, t'as pas besoin du. Puis si on comprend, parce que regarde, 10 gigaoctets par exemple de musique, t'imagines en CD déjà combien ça te fait? C'est beaucoup trop. Ça fait c'est cette, un CD en gros compressé, ça arrive aux alentours de 100 mégas. Ah, tu vois, ça fait pas mal d'emplacement déjà. Ouais, Et pourtant, 10 gigaoctets, c'est pas beaucoup pour certains. Moi, c'est à ça peu fait 100 près ce que albums. je ferais. Ça fait 100 albums. Tu vois. Attends. Ouais, c'est ça, ça fait 100 albums, 10 gigas. Alors que côté après, ça, côté livre, il y a le côté papier, donc c'est agréable. Y a vraiment... Moi, je peux comprendre, hein, les gens qui n'aiment pas du tout le dématérialisé pour les livres, je comprends, hein, c'est vraiment agréable d'avoir du papier dans les mains, alors qu'une musique, on n'a pas de musique dans les mains. Tu vas pas Ouais. écouter ton album avec ta boîte en plastique dans les mains et puis la tripoter, tu la poses et basta, quoi. Donc, y a juste... Donc voilà, on va pas rester trop sur le dématérialisé parce que c'est vrai que c'est un gros débat et puis je pense que vous avez vu un petit peu Le débat les du avis jour. qu'on avait. Puis c'est pas exactement le débat du jour, mais on y vient finalement parce que le streaming, c'est voilà, c'est ça, hein, c'est sortir des chemins classiques qu'on avait de mettre un CD, une cassette pour ceux qui ont connu les cassettes. Et voilà, moi je suis pour, en tout cas pour l'audio, le streaming audio, de plus en plus pour les séries parce que je consomme les séries comme ma musique. Il n'y a que les films et c'est vrai que les livres qui je pense garderont cet aspect matériel et que les gens je pense apprécient d'avoir un objet à tenir dans les mains, le côté charnel que beaucoup apprécient. Voilà, si tu veux rajouter quelque chose, Lucas? Non, c'est bon, moi c'est bon, tout a été dit. Je pense qu'on a fait un grand tour. Voilà, donc je pense que j'espère que vous avez pardon, j'espère que vous avez apprécié donc cette petite discussion sur le streaming. Qu'on vous a fait découvrir des sites, notamment Soundzit, pardon, qui est, je pense, très prometteur. Une fois qu'il aura les playlists, Vraiment sympa. ça va vraiment être quelque chose qui va grandir. Et sinon, finalement, on en retient aussi Spotify, que j'avais déjà parlé, on avait déjà évoqué avant, qui reste, je pense, un leader maintenant et qui va devenir très très grand dans le futur. Donc voilà pour cet épisode des projets du web. À bientôt pour le prochain avec Mathieu qui revient. Le 15 juillet, Mathieu, Normalement, j'espère. si tout va bien, voilà. Mathieu sera avec nous, donc je vais perdre ma place d'animateur et je me mettrai comme Lucas en co-animateur avec Mathieu pour nous diriger. J'espère que vous avez apprécié ma compagnie durant ces quelques épisodes en chef d'orchestre. Et voilà, donc on est très content de retrouver Mathieu. On fera des petits débats du coup à trois, ce sera beaucoup plus intéressant. Surtout que sur pas mal de choses, on a vraiment des avis différents. Ah oui, Mathieu est un Je pense que fanboy Apple. ça va faire plus souvent de 2 contre 1 maintenant. Voilà, Parce qu'on est relativement souvent d'accord. donc à bientôt au prochain épisode. Salut Lucas! Ciao Will.